Élégie. Quand la nuit verse sa tristesse au firmament, et que, pâle au balcon, de ton calme visage, le signe essentiel hors du temps se dégage, ce qui t'adore en moi s'émeut profondément. C'est l'heure de penser où s'allument les lampes. La ville, où peu à peu toute rumeur s'éteint, déserte, se recule en un vague lointain, et prend cette douceur des anciennes estampes. Grave, nous nous taisons. Un mot tombe parfois, fragile pont où l'âme à l'âme communique. Le ciel se décolore, et c'est un charme unique, cette fuite du temps, il semble, entre nos doigts. Je resterai ainsi des heures, des années, sans épuiser jamais la douceur de sentir ta tête aux lourds cheveux sur moi s'appesantir, comme morte, parmi les lumières fanées.